Développe un gros perso. Personne qui s'en sert seul, on a plus besoin d'un pélo. Trop d'arcaï à gérer, des frères au B0. Des ratus sont collés, ils sont même plus hétéros. Une belle entrée dans ce game, ça c'est Majin 6-9. Gros contrat Terre 16, des tasses y'en a plus de 19. Ils font les fous mais viennent pour prendre des hashlin. Habi font les hash, mène plus la confession intime. L'allemand c'est un DZ, il vient de cette Constantine. Des soucis par centaines mais son amir y construit. L'état tous contre eux quand il s'amène va sacrer. De toute façon c'est des soucis, la rue du ferme à la clé. Tout comme ta taspé, non elle t'a plus rappelé. C'est pas que les vrais vatos bah ils détestent se montrer. On est tous des ratpis, pour ça qu'ils sentent la hasba. Oh mec le casse-pipe, bah ça paye pas tu piges pas. Trop vénère dans le quattro, poursuivi par la guardia. Avoir du cardio c'est mieux qu'avoir la taspa. La putain de tatata, salut pour y gâter. École élémentaire on avait même pas de gâteau. Moi je connais des barjots qui te mettent calibre dans l'hymen. Ça sort avec le pompe en soirée comme l'animal. Dis-moi pas what's your name parce que my name is Ladal. Si tu veux prouver c'est gentiment sans hacker. Sans parler faut agir avant qu'on devienne âgé. Et à la rate y'a des zombies sous cachet. Tu connais sans du cachir, tu connais les pâtes au beurre. Regarde l'avenir de quoi tu veux avoir peur. Alhamdoulilah y'a plus pire, y'en a qui dorment même par terre. 15 cm sur l'artère, ça vient de la rue des martyrs. Je suis la fierté des grands frères, je suis ta berceuse pour dormir. Je suis exemplaire dans le sens où je vais m'en sortir. Faut pas finir dans le partenaire, c'est mieux de rabattre sur le parking. Les rages connais par cœur, ils sont tous là quand ça pile. Ils sont tous là quand ça pète, pour la guerre je suis comme la blesse. Du sang sur ton pare-brise, le lendemain ça se dismet. C'est ça l'erreur. Mister Instagram la team. On vous remercie tous, on est ensemble.